C'était en 1969, par une nuit de Noël venteuse et pluvieuse. Dans les rues de Cherbourg, pas un chat. Au large, la mer grondait. Mais la météo maritime laissait espérer une amélioration pour le petit matin. Soudain, quelques dizaines de silhouettes sont apparues. Elles se sont faufilées jusqu'au port malgré la pluie qui tombait à verse. Et brusquement, dans la nuit, on a entendu le grondement de puissants moteurs diesel. Quelques minutes plus tard, 5 canonnières appareillaient, empruntaient la passe Est, la plus dangereuse, mais aussi la plus discrète. Puis, dès la sortie du port, elles prenaient la mer et filaient aussitôt plein ouest à toute vitesse. L'affaire des vedettes de Cherbourg commençait. Elle allait durablement ébranler l'administration française, le gouvernement, la présidence de la République et affecter les relations franco-israéliennes. Je savais que M. X avait une connaissance particulièrement intime des services secrets d'Israël. Il m'en avait donné la preuve lorsqu'il m'avait raconté l'histoire d'Israël Baer, celui qu'on a appelé l'espion de Ben-Gourion, un agent soviétique infiltré au plus haut niveau du commandement militaire israélien. C'est donc tout naturellement qu'il y a quelques semaines, en préparant avec mon interlocuteur cette nouvelle série d'entretiens, que je lui ai demandé s'il avait des lumières sur cette affaire des vedettes de Cherbourg qui avait fait scandale en France. Puisque, malgré l'embargo qui les frappait, les Israéliens avaient pu s'emparer de ces 5 puissants et rapides bâtiments au nez et à la barbe des autorités françaises. J'avoue que la première réaction de M. X m'a déconcerté, car il a éclaté de rire. Et comme je lui demandais des explications, il a simplement dit « Cette affaire a été une des plus jolies mystifications qu'il m'ait été donné de connaître. Mais si vous le voulez bien, nous en reparlerons un peu plus tard, car il me faut d'abord rafraîchir mes souvenirs et consulter mes dossiers. » Cette semaine donc, lors de notre rendez-vous hebdomadaire, M. X a choisi d'ouvrir le dossier des vedettes de Cherbourg. Et je peux vous l'affirmer d'emblée, M. X a tenu parole, c'est bien l'histoire d'une assez extraordinaire mystification qu'il m'a racontée. Toutefois, avant de diffuser la première partie de notre entretien, je dois vous donner quelques explications. Un an avant l'escamotage des 5 canonnières de Cherbourg, un Boeing 707 de la compagnie israélienne El Al est attaqué à la grenade et mitraillé sur l'aérodrome d'Athènes par 2 jeunes terroristes palestiniens en provenance de Beyrouth, un passager est tué. 2 jours plus tard, comme à l'habitude, les Israéliens prennent leur revanche. Et ils frappent très fort. Le 28 décembre, des commandos israéliens se posent en hélicoptère sur l'aéroport international de Beyrouth et font sauter à l'explosif 13 avions civils vides. Bilan, 50 millions de dollars de dégâts. En France, le général de Gaulle condamne avec la plus grande fermeté cette agression contre un pays pacifique, ami traditionnel de la France. Et il décide que désormais, la France ne fournirait plus d'armes à Israël. Or, il se trouve que dans les chantiers de Cherbourg, plusieurs vedettes lance-torpilles sont en construction pour le compte de l'État hébreu. Ce sont des bâtiments d'une 50aine de mètres de longueur, puissamment armés et très rapides. Des bâtiments dont les Israéliens ont un besoin urgent car les Égyptiens, de leur côté, ont été équipés de vedettes rapides par les Soviétiques. 5 vedettes ont déjà été livrées à Israël, mais il en reste 7 à livrer. Le 4 janvier 1969, 2 de ces canonnières prennent la mer pour effectuer une série d'essais. On ne les reverra jamais à Cherbourg. Elles ont pris la direction de la Méditerranée. C'est une violation flagrante de l'embargo décidé par De Gaulle. Mais, assez étrangement, la réaction de l'Élysée sera mesurée. Pourquoi ? C'est la première question que j'ai posée à M. X. Nous l'écoutons dans un instant. Ouh, ma colère sur quel terrain l'ai-je semé? Quels détours m'ont fait? M'ont fait l'oublier. Imaginez bien que le général est entré dans une violente colère quand il a appris que les deux vedettes avaient disparu. Mais de Gaulle, s'il était coléreux, avait aussi le sens du ridicule. Et donner une trop grande importance à l'affaire, c'était aussi reconnaître que la France avait été jouée par Israël. Et ça, le général pouvait difficilement l'admettre. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, comme d'habitude, on a muté quelques lampistes des douaniers, je crois. On en est prudemment resté là, mais il est évident que cette première fuite des vedettes de Cherbourg est très révélatrice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, c'est simple, si les vedettes ont été escamotées aussi facilement, c'est que les Israéliens disposaient quand même de quelques complicités. À quel niveau? Bon, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de chercher à Cherbourg même, non? Les douaniers, là? Ça aurait été possible, oui, mais il semble que les directives de Paris au sujet de l'embargo leur ont été transmises tardivement. N'empêche, mais vous dites qu'ils ont quand même payé, c'est eux qui ont payé. Bien sûr, mais il faut bien trouver des boucs émissaires. Alors, qui à Cherbourg? Il y avait au moins un homme qui avait intérêt à voir les vedettes livrées aux Israéliens. C'était le patron des chantiers navals. Parce que sans livraison, il n'y avait pas de paiement. Or, chaque vedette valait au minimum 15 millions de francs de l'époque. Une jolie somme. Alors, à votre avis, c'est lui qui... Disons en tout cas qu'il n'a rien fait pour retenir les vedettes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la vérité se trouve ailleurs, à Paris. Dans le cercle même de la délégation ministérielle à l'armement. Quelqu'un de haut placé a prévenu les Israéliens dès qu'il a appris que de Gaulle venait de décider l'embargo. Le lendemain, les vedettes appareillaient. Et vous connaissez le nom de cet homme? Bien entendu. Mais à quoi bon vous donner son nom tant d'années après? Non. Non. Ce qui est plus important, c'est que malgré les ordres donnés par le pouvoir central, des gens continuaient d'aider Israël. Il faut dire qu'à Paris, l'État hébreu disposait d'un homme assez étonnant, un amiral. Mordecai Liman, un fonceur. C'est lui qui était chargé d'acheter les armes pour Israël. Et c'est donc lui, en quelque sorte, qui était chargé de veiller sur les vedettes en construction à Cherbourg. Et ce Mordecai Liman entretenait les meilleurs rapports avec les hommes de la délégation à l'armement. Oui. Dès qu'on lui a appris confidentiellement que le général avait décidé l'embargo, avant même que cet embargo soit rendu public, il a donné l'ordre aux marins israéliens qui se trouvaient à Cherbourg de prendre immédiatement la mer sous un prétexte ou un autre. Ça ressemble bigrement à une trahison, ça, non? D'accord, mais je suis sûr que le haut fonctionnaire qui a parlé à Liman n'a pas eu l'impression de trahir. Pourquoi? Parce que il était de tradition de coopérer avec les Israéliens. N'oubliez pas que les liens entre nos deux pays avaient toujours été très étroits. Et depuis la création même de l'État d'Israël. Si les Israéliens ont pu disposer de l'arme atomique, c'est en grande partie grâce aux Français. S'ils ont pu construire chez eux une réplique du Mirage, c'est encore grâce aux Français. Et je pourrais encore vous parler des rapports qui existaient entre nos services de renseignement. Ces relations, c'était quand même un peu dégradé au moment de la guerre des Six Jours. Oui, exactement. Vous vous souvenez de la fameuse déclaration du général de Gaulle à propos d'Israël. Oui. Peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Ce rafraîchissement des rapports entre l'État hébreu n'était pas du goût de tout le monde, y compris chez certains gaullistes. Et ça explique, à votre avis, ce grave manquement aux ordres? Incontestablement. Donc, deux vedettes se sont échappées, hein, mais il en reste cinq à Cherbourg. Cinq qui sont encore en construction, oui, et qui, au fur et à mesure de leur achèvement, quittent l'arsenal et gagnent la darse transatlantique. Et pour quelle raison? Parce que les militaires responsables de l'arsenal ne veulent pas porter la responsabilité éventuelle d'une nouvelle fuite des vedettes. Courageux, mais pas téméraire. Mettez-vous à leur place, quand même. Ils ont dû sentir passer le vent du boulet. C'est pourquoi ils préfèrent que ce soit les autorités civiles qui assument la garde des vedettes. Mais ce qui est par ailleurs fort curieux, c'est que les marins israéliens, qui sont plusieurs dizaines, continuent, comme si de rien n'était, à habiter Cherbourg et à se familiariser avec le pilotage de ces superbes bâtiments. On leur laisse même, à nouveau, faire des essais en haute mer. C'est risqué, ça. Risqué, surprenant, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on respecte l'embargo, la livraison des vedettes n'aura jamais lieu. Alors, pourquoi autoriser les marins israéliens à rester sur place et même à poursuivre leur entraînement sur les vedettes? La réponse tient peut-être dans le changement politique qui vient de se produire en France. Au printemps 69, le général de Gaulle prend la décision de consulter les Français par référendum. Souvenez-vous. Et vous savez ce qu'il est advenu. Georges Pompidou est donc maintenant aux affaires et il a nommé Jacques Chaban-Delmas comme Premier ministre. Et ce sont des hommes plus proches d'Israël que de Gaulle? Sûrement, encore qu'ils maintiennent officiellement l'embargo. Et officieusement? C'est un petit peu moins clair. Les amis connus ou inconnus d'Israël sont toujours en place et ils font pression sur le gouvernement pour qu'il assouplisse sa position. Mais de l'autre côté, il y a les pays arabes, qui eux aussi sont des gros acheteurs d'armes. Bon, faire plaisir aux Israéliens, c'est mécontenter les Arabes et donc perdre de gros marchés. Or, justement, la France est en train de négocier un contrat absolument fabuleux, un contrat ultra secret. Avec lequel de ces pays arabes? La Libye du colonel Kadhafi. On parle d'hélicoptères, mais surtout de dizaines de mirages. Autant vous dire que les cinq vedettes de Cherbourg à côté valent vraiment très peu. Seulement, il y a un hic, c'est que les Israéliens sont au courant. Eh oui, leurs services secrets qui disposent de nombreux agents en France ont eu vent de ce projet de contrat. Et ils n'ont pas du tout l'intention d'assister sans réagir à ces livraisons massives d'armes à un de leurs pires ennemis. Et c'est là une des clés de l'affaire des vedettes de Cherbourg. Jai work. Jai work. is destiny. Some people believe, and some people know, some people deceive, and some people show. Oh, Jah work, Jah work, Jah work. It's never done, Jah work, Jah work, Jah work. It's never. France Inter, Patrick Penaud, Rendez-vous avec X. Dans le livre de Paul Eddy, Hélène Davenport et Peter Gilman, intitulé « Pavillon sans complaisance », j'ai relevé quelques lignes sur le fameux amiral Limon dont M. X m'a parlé. Je cite ses auteurs. « L'amiral n'était pas homme à se perdre dans les subtilités de la vie diplomatique. Chargé de l'achat des armes d'Israël en France, il n'avait aucun doute sur la ligne de conduite à suivre. Israël devait s'emparer des bâtiments. Cette idée audacieuse n'avait rien de surprenant chez ce patriote israélien doublé d'un homme d'action. Né en 1921 en Pologne, il avait été emporté tout jeune dans le second flot de l'immigration juive. En 1940, Limon avait commandé certains des petits bateaux qui, avec l'aide du Mossad, transportaient les immigrants clandestins sur les plages de Palestine. En 1948, il fut promu au poste d'amiral dans la nouvelle marine de guerre israélienne et, en 1950, à l'âge de 31 ans, il devint son commandant en chef. Mais revenons à mon entretien avec M. X. La diffusion a été interrompue au moment où il me disait qu'une des clés de l'affaire des vedettes de Cherbourg se trouvait dans le fabuleux contrat que la France négociait avec la Libye. Un contrat qui portait, j'ai vérifié, sur la livraison en 4 ans de 110 chasseurs-bombardiers Mirage 3, 4 hélicoptères Alouette 3 et 9 hélicoptères Super Frelon. Vous concevez bien que pour les Israéliens, cette livraison d'avions représentait vraiment une menace mortelle. Oui. D'accord, mais comment la saboter, cette livraison ? Ben, en se servant des fameuses vedettes de Cherbourg. Les Israéliens, il faut leur reconnaître, ont toujours été les as de la manipulation et du billard à trois bandes. Enfin là, ce qu'ils ont imaginé était vraiment très très fort. Bon, je vous explique. D'abord, il y a ces vedettes dont ils ont vraiment besoin, eux, pour faire pièce aux Égyptiens qui font la loi en Méditerranée depuis qu'ils ont été équipés par les Soviétiques. Hein. Bon, alors comment les récupérer ? Elles vont être achevées à la fin de l'année. Il faut absolument s'en emparer. En rééditant l'opération du début de l'année, par exemple. Non, non, la première idée, enfin la plus naturelle, c'est de s'adresser au gouvernement français. Mais Pompidou et Chaban-Delmas, même s'ils ne disent pas formellement non, font traîner les choses. Par fidélité au général ? Oui, ça fait à peine quelques mois qu'il a quitté le pouvoir. Et puis même s'il n'intervient pas dans la politique française, sa grande ombre pèse encore sur le pays. Et puis bon, il y a un fidèle, un inconditionnel du gaullisme dans le nouveau gouvernement, le ministre de la Défense nationale. Ah, c'était Michel Debré, si je me souviens. Oui, oui, oui. Et il ne tolérerait pas qu'on manque au général. Bon, et tout ça, vous le pensez bien, ça ne fait pas l'affaire des Israéliens. Alors, à Paris, le bouillant Mordecai Limon s'impatiente. Il fait un saut à Tel Aviv afin de rencontrer Moshe Dayan, à qui il propose tout bonnement d'organiser une opération militaire pour s'emparer des vedettes par la force. Bon, vous savez, une de ces opérations éclairs qui sont une spécialité de l'armée israélienne. Moshe Dayan et surtout le Mossad hésitent. D'abord, il y a des risques. Après tout, la France dispose en Méditerranée d'une flotte assez importante. Bon, et elle serait en mesure d'intercepter les vedettes après l'attaque surprise sur Cherbourg. Peut-être même de les couler. Une telle opération militaire aurait signifié à coup sûr la rupture définitive avec la France. Hein. Exactement. Donc Dayan, après avoir réfléchi, dit non, avec la plus grande fermeté. C'est alors que le chef du Mossad, c'est-à-dire le chef du service de renseignement israélien, Zvi Zamir, lui propose une autre idée. Mais une idée machiavélique. Enlevons ces vedettes par la ruse, dit-il, sans esclandre. Et ensuite, nous laisserons entendre que si nous avons pu agir aussi facilement, c'est que les Français étaient au courant et qu'ils nous ont laissé faire. Ils étaient donc nos complices. Conclusion, Kadhafi, furieux, trahi, ne pourra faire autrement que de rompre son contrat d'achat de Mirage avec la France. C'est un effet assez, assez diabolique. Si vous y étiez si bien informé, ça veut dire que les services français auraient pu s'opposer. Tout à fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors, vous en tirez la conclusion qui s'impose. Enfin, n'allons pas trop vite. Laissez-moi peut-être vous expliquer comment les Israéliens ont procédé. D'accord, racontez-moi. Eh bien, l'opération récupération commence par la création à Panama d'une société bidon, la Starboat. Pourquoi bidon ? Parce qu'elle n'aura jamais aucune activité réelle. Son créateur, c'est un homme d'affaires israélien installé au Panama. Un type qui était naturellement un correspondant du Mossad. Bien sûr. Et ce type, dès que sa boîte est créée, et à Panama ça va très vite, loue une boîte postale en Norvège. Et il confie la représentation de la Starboat à un de ses collègues norvégiens, Martin Siem. Un homme bien connu sur la place d'Oslo. Un complice, lui aussi ? Un ami, très sûr en tout cas. Et qui sert à brouiller les cartes, car qui pourrait soupçonner que derrière cet honorable Norvégien, qui s'occupe surtout d'exploitation pétrolière en mer du Nord, se cache l'État hébreu. Mais le rapport avec les vedettes. J'y viens. Martin Siem prend contact avec le patron des chantiers navals de Cherbourg. Il lui dit qu'il le connaît des difficultés que lui cause l'embargo français et se déclare disposé à acheter les 5 vedettes qui lui restent sur les bras. Pour en faire quoi ? Ce Martin Siem, je vous l'ai dit, s'occupe d'extraction pétrolière en mer du Nord. Il affirme donc que ces bâtiments lui serviront à ravitailler ses plateformes de production. Mais est-ce que c'est vraisemblable ? Ces vedettes étaient quand même des bâtiments de guerre, surpuissants, rapides. Oui, c'est juste. Et on peut se demander si c'était vraiment raisonnable d'utiliser de tels bateaux pour réaliser un travail relativement banal. Et au demeurant, ces canonnières avaient été conçues pour naviguer en Méditerranée, où la mer est généralement plus calme qu'au large de la Norvège. Mais quand on a 5 vedettes commandées, construites, et qui risquent de ne jamais être payées, on ne se pose pas trop de questions si un acheteur se présente. Compréhensible, ça. D'autant que la situation des chantiers navals de Cherbourg n'était pas très brillante non plus. Donc, le patron des chantiers saute sur l'occasion et donne aussitôt son accord. Et les autorités françaises, parce qu'il fallait bien un accord aussi. Bon, elles avaient effectivement leur mot à dire, puisque les canonnières, même si elles n'étaient pas encore équipées d'armement, étaient considérées comme du matériel militaire. Vous savez bien que toute exportation de matériel de guerre doit recevoir l'agrément d'une instance interministérielle présidée par le secrétaire général de la Défense nationale. Et ça a été le cas ? Oui et non. Je m'explique. Les choses se sont passées de façon très curieuse. Dès que le patron des chantiers navals reçoit l'ordre du Norvégien, il en informe les autorités. Et qui exactement ? Un fonctionnaire de la délégation ministérielle à l'armement qui n'y voit pas malice. Il demande simplement, par correction si je puis dire, l'accord des Israéliens. Et vous imaginez que cet accord est immédiat. Oui, effectivement, répond l'amiral Limond, puisque nous sommes victimes de l'embargo français, nous acceptons que les vedettes que nous avons commandées soient vendues à une société norvégienne. Ouais. Et c'est aussi simple que ça ? Presque, oui. 5 jours plus tard, la commission interministérielle, seule habilitée à autoriser l'exportation de matériel de guerre, se réunit. Une réunion prévue de longue date, et au cours de laquelle on étudie plusieurs importants dossiers. Et c'est presque fortuitement que le représentant de la délégation ministérielle à l'armement évoque l'affaire des vedettes. La Norvège veut acheter les 5 vedettes de Cherbourg et les Israéliens sont d'accord. Excellente idée. Tout le monde est ravi. Décidément, ces Norvégiens nous tirent une sacrée épine du pied. Et on décide immédiatement de donner l'autorisation d'exportation. Seulement, les dés sont pipés. Regardez là, je comprends pas. Parce que vous ne m'avez pas écouté attentivement, monsieur Pénaud. Qu'a dit le représentant de la délégation ministérielle à l'armement ? La Norvège veut acheter les 5 vedettes. La Norvège. À aucun moment, il n'a été question de la Starboat. Si l'autorisation d'exportation a été accordée, c'est parce que les membres de la commission ont cru que c'était l'État norvégien qui achetait et non pas une société privée. Vous comprenez maintenant ? C'est quand même une accusation grave, ça. Oui, mais c'est la vérité. Et je n'accuse pas ce fonctionnaire, car il ne faisait qu'obéir à des ordres qui venaient de beaucoup plus haut. On avait décidé de livrer les vedettes de Cherbourg à Israël. J'ai 5 ans. Dans un remarquable ouvrage consacré au secret de l'espionnage français, ouvrage paru chez Jean-Claude Lattès, Pascal Krop évoque cette affaire des vedettes de Cherbourg et les dernières péripéties dont m'a parlé M. X. Je cite Pascal Krop. Le 18 novembre 1969, le général Cazel, responsable du secrétariat général de la Défense nationale, préside à Matignon la réunion du comité interministériel des exportations de matériel de guerre. L'ingénieur général Bonte, représentant Michel Debré, alors ministre de la Défense, explique qu'il s'agit de vendre à une société norvégienne, la Starboat en veille, les 5 vedettes qui étaient préalablement destinées à Israël. Voulant toutefois m'assurer personnellement du bien fondé de cette vente, révèle aujourd'hui le général Cazel, j'ai demandé s'il était prévu dans le contrat une clause de non-réexportation pour la Norvège. L'ingénieur général Bonte m'a alors répondu oui, toutes les précautions sont prises. Les autres représentants à cette réunion, celui des affaires étrangères pour Maurice Schumann et celui des finances, n'ont pas fait de commentaires. Pascal Krop ajoute qu'on retrouvera plus tard une note personnelle de Maurice Schumann en marge de ce document. Excellente solution au difficile problème posé. C'est une version qui infirme en partie ce que m'a révélé M. X, puisque selon Pascal Krop, il a bien été question au cours de cette réunion de la Starboat et non pas de la Norvège. Mais dans un article paru dans la revue Historia, le général Cazel, qui sera une des principales victimes de cette affaire, nous le verrons bientôt, le général donc affirme que lors de la réunion du comité interministériel, il n'a jamais été question de la Starboat, mais toujours de la Norvège. Mais retrouvons M. X qui affirme qu'en haut lieu, on avait décidé qu'Israël pourrait récupérer les 5 vedettes de Cherbourg. Bon, avant d'étayer ma démonstration, je voudrais quand même revenir sur le plan machiavélique des Israéliens qui voulait faire capoter le contrat des Mirages à destination de la Libye, en faisant apparaître la duplicité de la France à propos des vedettes de Cherbourg. Très fort, très malin, oui, mais toutes les situations peuvent toujours se retourner. Les meilleurs plans aussi, s'ils sont devinés. Et en l'occurrence, ce sont les Français, pardonnez-moi de le dire, qui ont été les plus astucieux. Ouais, c'est pas très clair, ça. Mais... Bon, le gouvernement français, je vous l'affirme solennellement, a décidé, depuis longtemps, que les vedettes de Cherbourg seront livrées un jour ou l'autre à Israël. Mais comment faire pour ne pas s'attirer les foudres des pays arabes? Ben, en jouant sur les deux tableaux à la fois. D'abord, à Cherbourg, on laisse faire les Israéliens. Car on sait qu'ils réitéreront forcément leur opération de janvier 69. Alors on les surveille, de loin. Et surtout, d'un autre côté, on négocie avec les Arabes. Les Mirages seront livrés à la Libye si vous fermez les yeux sur l'escamotage des vedettes. Vous comprenez ? Il s'agissait de ménager l'orgueil des Arabes. Dans cette affaire, l'honneur était sauf et la France ne se fâchait avec personne, tout en encaissant de précieuses devises. Ça me paraît en effet assez astucieux, mais vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Assez nombreuses, oui. Vous allez voir que si on retient cette hypothèse, tout devient limpide. Ainsi, on comprend pourquoi on a permis aux marins israéliens de rester à Cherbourg contre toute raison. On comprend aussi le tour de passe-passe de la réunion du comité interministériel. Mais surtout, on explique pourquoi, malgré toutes les informations qui parvenaient à Paris, les autorités n'ont pas bougé. Attendez, les informations, soyez plus précis. Bien volontiers. Vous pensez bien que les RG, ou renseignements généraux, et la DST n'étaient pas inactifs à Cherbourg. Il était difficile de ne pas voir, en cette fin d'année 69, que les marins israéliens commencent leurs préparatifs de départ. Il paraissait aussi difficile de ne pas remarquer que l'officier qui a commandé les deux vedettes qui se sont esquivées en janvier 69 est de nouveau à Cherbourg. Le même. Eh oui. Donc, les plus hautes autorités de l'État savent. Et elles laissent faire. Même le très gaulliste Michel Debré ? Même lui, oui, car il doit se consoler en pensant que bientôt la France va livrer des Mirages aux Arabes dans la plus stricte continuation de la politique du général. Mais cette duplicité, hein, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, ouais, est quand même difficilement croyable. Surtout quand on pense aux réactions ultérieures du gouvernement, qui va pratiquement crier à la trahison. Allons, soyons sérieux. Pouvait-il adopter une autre attitude ? Enfin, une attitude officielle, j'entends. Vous voulez une dernière preuve ? Le 20 décembre, très exactement, c'est-à-dire 5 jours avant l'appareillage des vedettes, les RG de Cherbourg envoient un rapport classé confidentiel défense au ministère de l'Intérieur. Tout y est dit. Le départ prochain des vedettes est annoncé. Il y est même question de la vente fictive à un pays de l'Europe du Nord, alors. Donc, d'après vous, si le gouvernement l'avait voulu, il aurait pu empêcher le départ des vedettes ? Naturellement. Et la première mesure à prendre aurait été de décider du retour des vedettes à l'intérieur de l'arsenal, sous la garde de la marine. Il leur aurait été difficile d'appareiller clandestinement. Mais non, on a tout fait pour faciliter leur départ. Et quand la veille de Noël, l'amiral Lehmann lui-même vient à Cherbourg dans une voiture portant une plaque diplomatique, personne ne s'étonne, car Lehmann ne se cache pas. Il prend même une chambre d'hôtel en ville à son nom. Et il vient superviser le départ des vedettes, c'est ça ? Bien sûr. C'est à lui qui revient de donner l'ordre d'appareiller. Il le fera la nuit même, à la faveur d'une légère amélioration de la météo. Puis il regagnera tranquillement Paris. Encore un détail, très intéressant. Vous devez bien imaginer que Cherbourg, port militaire, est étroitement surveillé. On ne quitte pas le port comme ça. Un officier de la Marine nationale veille en permanence sur les entrées et les sorties des bateaux. Ça me paraît normal, ouais, ça. Bon. Alors, dans cette nuit de Noël, la vigie ne remarque rien. Alors que les 5 vedettes gagnent la haute mer tout feu allumé. Pourquoi n'a-t-il rien vu ? Parce que, déclarera-t-il plus tard, un puissant projecteur installé sur la digue l'aveuglait. Installé par qui ? Je vous le donne en 1000, installé par les militaires français. Bizarre, non ? Oui, que se passe-t-il ensuite ? Très étrangement, pendant presque 24 heures, il ne se passe rien. Mais alors rien du tout. Et les 5 vedettes peuvent foncer tranquillement vers le détroit de Gibraltar. Pourtant, n'importe quel habitant de Cherbourg a pu constater que les vedettes avaient disparu. Oui, mais personne ne s'étonne. Enfin, le soir du 26, un journaliste local donne l'information. La nouvelle est immédiatement reprise par les agences de presse internationales, et c'est la catastrophe. Au ministère de la Défense nationale, Michel Debré est absent. Pressé de questions par les journalistes, le permanencier de service du cabinet gaffe en déclarant que ces bateaux civils ont fait l'objet d'une cession commerciale régulière à une société de droit norvégien. Seulement, patatras, dès le lendemain, les Norvégiens démentent. La Starboat ne figure pas au registre du commerce norvégien. Et là, c'est le scandale qui éclate. Bien sûr. La France est ridiculisée parce que personne ne doute que les vedettes sont en train de naviguer vers Israël. C'est un joli résultat pour une opération dans laquelle vous avez dit que les Français avaient été très forts. Et c'est vrai, à cause de la gaffe de ce type du ministère. Mais si on regarde les choses de plus haut, on s'aperçoit que les objectifs essentiels ont été atteints. Israël a récupéré ses précieuses vedettes et quelques jours après, le fabuleux contrat libyen est signé. Il a quand même bien fallu que quelqu'un paie, non, pour ce scandale. Naturellement. Oui, toujours. Comme dans la première évasion de janvier, on a trouvé des boucs émissaires. Mais puisque l'affaire était encore plus importante et avait provoqué un scandale international, il a fallu des boucs émissaires à la hauteur. C'est ainsi qu'on a invité de façon très pressante deux généraux parfaitement innocents à prendre leur retraite anticipée. Donc ces deux limogeages, c'était aussi le prix à payer pour ne pas se fâcher avec les pays arabes et surtout à signer le contrat avec Kadhafi. Ces généraux sont d'une part Paul Cazel, secrétaire général de la Défense nationale, et l'ingénieur général Bond, directeur des affaires internationales à la délégation ministérielle à l'armement. Ce sont les seuls à avoir payé. Cinq jours après leur appareillage de Cherbourg, après avoir été ravitaillés en haute mer à deux reprises, les cinq vedettes sont arrivées à Haïfa, où les autorités israéliennes les ont accueillis triomphalement. Moshe Dayan avait tenu à être personnellement présent pour fêter ce qui a alors été présenté comme un nouveau succès de l'État hébreu et de ses services secrets. Ce qui était, si l'on en croit M. X, une pure et simple supercherie. Pour finir, je vous propose de revenir une nouvelle fois à l'ouvrage de Pascal Krop sur les secrets de l'espionnage français. Je le cite. « Après la fuite des vedettes, Michel Debré, visiblement furieux, appelle le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas. Il m'a informé, révèle aujourd'hui ce dernier, que la chasse française était en mesure de rattraper ses bateaux. J'étais en train de jouer au bridge au Pays Basque. J'ai immédiatement répondu, les avions doivent rester au sol. J'ai ainsi préféré le ridicule d'avoir été joué ou pis, passé pour complice, plutôt que de priver Israël de ses vedettes dont il avait le plus grand besoin. » Quelques semaines plus tard, ajoute Krop, le préfet de la Manche, Jacques Bruno, rencontre le président Georges Pompidou pour s'entretenir de cette affaire. Il tirait comme d'habitude sur sa cigarette et il m'a dit en souriant « Bien Bruno, il n'y a pas de problème. » Admettez que cette dernière réplique du président de la République conforte la thèse de M. X. Je vous retrouve samedi prochain. Nous ouvrirons un nouveau dossier en compagnie de M. X.